Yeah. N'oublie jamais d'où tu viens. Nizi à la prod, bande d'enfoirés. Ça chante des freestyles en soirée. J'suis dans ma B.E. J'attaque dans le mic. J'suis dans ma B.E. J'suis dans une autre dimension. Yes, j'attaque le mic. André Abbas. Yeah. Pète d'intro. Pète d'intro. J'suis dans ma B.E. Je te parle pas de celle qui a mon contrôle. J'assume pénom que j'suis dans la lune et que j'assure pas mon rôle. J'ai la phobie des études, mais ça fait toujours ma tip qu'un arachnophobe. Un tas de face force. Mais tout nous la passe, mais j'la passe trop fort, man. Fui du genre, mec, j'langue la prod avec mes armes. Gris noir sur rouge, mais je passe en plein dans ces gendarmes. Écoute-moi bien petit, prends tes rêves et réalise-les. Tu veux te barrer de part, alors fais tes valises. Mais n'oublie jamais d'où tu viens et embrasse ton père avant de partir. Quand t'as ta mère, fais un joli sourire et je te parle pas de suite devant dans un dartyre. Garde devant le monde avant de vouloir si vous tous ces moutons. Ils ont voulu changer ma vie, mais j'ai appris sur les boutons. Disons que ces bâtards ont voulu me la mettre en changeant les paramètres. Éléments, dès que n'étais qu'une merde, mais je voulais pas l'admettre. Maître des cérémonies, ouais, c'est ce que je suis depuis 2012. Rapace, qu'il m'attend qu'il a vu 2012. Kawa. Résultat de ma vie c'est caster si j'attaque le mic. C'est ma capuche super dry. Me creuse la tête à faire une bête d'intro. Et je trace mon parcours avec une paire Nike. Le résultat de ma vie c'est caster si j'attaque le mic. C'est ma capuche super dry. Je me creuse la tête à faire une bête d'intro. Et je trace mon parcours avec une paire Nike. Avec une paire Nike. Avec une paire Nike. Dans ma playlist te parle pas de celle dans laquelle tu es. Petit, ne viens pas chez moi me casser la gueule de Dieu. Je parle bien de ces drogues qui t'en fument le crâne. Je fais des actions foncées, pourtant je n'ai pas tant fumé de crack. Je suis ce je n'ai pas tant. Tu m'en fais ce que j'essaie d'être. Éternel apprenti à la route, une squad. Veuillez excuser mes maîtres. Je suis dans une autre dimension. Vos sentiments ne sont que des sentiments sans. M'avez pourtant mis au parfum. Que des gens qui sentent bonbons. Vous me cassez les bonbons. Il fallait vraiment que je vous le dise. Rentrez de ma bite, vous direz qu'est-ce qu'il est fou ce type. Je tourne au rang pire que le squad des Fuji. J'ai une certaine époque. Fermez les portes et des enfers. Maintenant que Serpère est mort. Certes, t'es né pauvre. Mais terribles sont loin de l'être. Je terminerai sur un point final qui atterrit entre deux lettres. Ouais, qui atterrit entre deux lettres. Ouais, qui atterrit entre deux lettres. Ma physique à star si j'attaque le mic. C'est ma capuche super dry. J'me creuse la tête à faire une bête d'intro. Et j'trace mon parcours avec une paire Nike. Le résultat de ma physique à star si j'attaque le mic. C'est ma capuche super dry. J'me creuse la tête à faire une bête d'intro. Et j'trace mon parcours avec une paire Nike. Avec une paire Nike. Avec une paire Nike.